L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ça y est, c'est désormais officiel depuis hier. La NASA a dévoilé quel serait l'objet de la ceinture de Kuiper que New Horizons ira visiter de près. Il s'agit de l'objet nommé 2014 MU69. Il restait deux objets possibles en lice dans le panier de la NASA. Et 2014 MU69 a été choisi sur des considérations bassement pratiques. Il permet de consommer moins de carburant pour la sonde. La trajectoire de New Horizons va donc être modifiée à partir de la fin du mois d'octobre par une succession de poussées qui au total brûleront 12 kg de carburant sur les 35 kg qu'il reste dans le réservoir de New Horizons. Il est prévu par les ingénieurs de la NASA que le survol de ce 2014 MU69 se fasse à une altitude de seulement 12 000 km, soit environ la même distance que celle du survol de Pluton le 14 juillet dernier. Cet objet glacé de la ceinture de Kuiper a été trouvé grâce au télescope Hubble en 2014, utilisé in extremis pour localiser des candidats potentiels à visiter. 2014 MU69 fait partie des objets de la ceinture de Kuiper classique qui ont une orbite stable, visiblement non perturbée par les planètes géantes externes. On ne connaît pas grand-chose hein, pour le moment sur 2014 MU69, si ce n'est sa taille. Il fait 45 km de diamètre. C'est petit, hein, par rapport à Pluton. Le survol aura lieu le 1er janvier 2019, si tout se passe comme prévu. Hein. Et d'ici là, New Horizons aura l'occasion de faire des images d'autres objets de la ceinture de Kuiper, environ 12 d'après les estimations des spécialistes, mais à longue distance seulement, ce qui ne permettra pas d'étudier leur surface en détail. On pourra quand même voir s'il existe d'autres couples, comme le couple Pluton-Charon, par exemple. L'approche minimale de ces autres KBO, Kuiper Belt Objects, devrait être de l'ordre de 15 millions de kilomètres. De quoi produire des images avec une bien meilleure résolution que ce que peut fournir Hubble depuis l'orbite terrestre, hein, quand même. Cette information brûlante, cette breaking news, est parue sur Nature News hier. Avec le titre NASA Picks Next New Horizons Destination, par Alexandra Witz. D'où j'ai tiré cette petite vue d'artiste sympathique de New Horizons survolant un KBO. Voilà, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et d'ici là, d'ici que New Horizons arrive à sa destination, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !